ça sert à quoi d'être sympa si tout le monde veut te gagner? Si t'es fini, personne ne criera au mot Dieu, ils ont tué Kenny. Ça sert à quoi de combattre si c'est pour une cause futile ou débile? Ça sert à quoi d'être facho? Oh, car cela rappelle que du pipo. Ça sert à quoi d'aimer un pays si leur parti politique de déteste te prennent pour une bête? Parle de droit et de tolérance, mais veulent virer les moussines, ça n'a pas de sens. Je parle pas que pour la France, mais aussi pour plein de pays, même dans les frontières qu'un fric. C'est comme ça, des fois, ça sert à quoi de kiffer si on te trahit en retour? Certains pour ça ne sont pas là pour. Ça sert à quoi, dis-moi, à quoi sert tout ça de faire confiance à des keufs qui font même pas leur taf? À quoi ça sert de faire des émissions dont on connaît même de compte? Je connais même pas le sujet. C'est fait flinguer, niquer, foirer. Sert à quoi que je rappe? À m'exprimer, à me libérer et à dénoncer. Ça sert à quoi de faire tout ça? Comme défendre des mauvais chroniqueurs qui nous touchent jusqu'à pas d'heure. Et tu me demandes à quoi sert mon combat? Pour être meilleur, c'est pour réussir et être reconnu en tant que grand que je suis en train de devenir. Ça sert à quoi d'être sympa si tout le monde veut te gagner? Ça sert à quoi que je pleure, ça ferait plaisir à mes détracteurs. Ça sert à quoi d'être sympa si tout le monde veut te kiffer? Ça sert à quoi que je pleure, ça ferait plaisir à mes détracteurs. Ça sert à quoi d'être sympa si tout le monde veut te kiffer? Ça sert à quoi que je pleure, à pas faire plaisir à mes détracteurs. Me demande à quoi ça sert, certaines histoires de territoire. On n'est pas chez Montana. Quoi que tu me dises, je réussirai. Tu dis que je me réussirai pas, on verra qui perdra. Si je perds, c'est comme ça, mais dis-toi une chose. Au lieu de m'affaiblir, tu fais m'endurcir. Et un jour, j'aurai même plus à te répondre. Et tu me feras pas pendre. À quoi ça sert que tu me dis d'apprendre? Tu me laisses pas penser un peu par moi-même. Si c'est du racisme que tu veux m'inculquer, mon vieux, c'est raté, rapé. Toutes ces mesures que j'ai écrites, tout un coup de gueule et un constat. Ce sera quoi de censurer le vrai rap hardcore en radio? Maintenant, tous les MC doivent jouer les beaux. Je te cache pas mon style hybride. Pour qu'il marche, il faut tout formater. Pour marcher, je risque de mettre 10 biches pour être connu ou pas. Et pour ça, je veux pas montrer nu. Ça sert à quoi d'être sympa si tout le monde veut te gagner? Ça sert à quoi que je pleure à part faire plaisir à mes détracteurs? Ça sert à quoi d'être sympa si tout le monde veut te gagner? Ça sert à quoi que je pleure à part faire plaisir à mes détracteurs? Ça sert à quoi d'être sympa si tout le monde veut te gagner? Ça sert à quoi que je pleure à part faire plaisir à mes détracteurs? Ça sert à quoi le blocage à notre rencontre? Nous sommes tous humains. À ce train, je défoncerai ce blocage mental. Ça sera pas clérical, ça sera mental ou peut-être physique. Viens pas d'en haut comme certains. Je voudrais être riche comme Bill Gates, mais je veux garder mes idées en tête. Si je tombe dans le commercial mauvais et que c'est que je suis piégé, mais dans un coin de ma tête, mes idées resteront mes idéaux, gros. On m'a dit, garde la tête haute, mais je veux pas la baisser. Je veux gagner, je veux pas passer le reste de ma vie à frotter le sol. Je kifferais être connu pour mes bons sons ou pour d'autres actions. Sert à quoi d'être sympa si tout le monde veut te gagner? Ça sert à quoi que je pleure à part faire plaisir à mes détracteurs? Ça sert à quoi d'être sympa si tout le monde veut te gagner? Ça sert à quoi que je pleure à part faire plaisir à mes détracteurs? Ça sert à quoi d'être sympa si tout le monde veut te gagner? Ça sert à quoi que je pleure à part faire plaisir à mes détracteurs? Ça sert à quoi d'être sympa si tout le monde veut te gagner? Ça sert à quoi que je pleure à part faire plaisir à mes détracteurs? Ça sert à quoi d'être sympa si tout le monde veut te gagner? Ça sert à quoi que je pleure à part faire plaisir à mes détracteurs? Ça sert à quoi d'être sympa si tout le monde veut te gagner? Ça sert à quoi que je pleure à part faire plaisir à mes détracteurs? Ça sert à quoi d'être sympa si tout le monde veut te gagner? Si t'es fini, personne ne criera au mot de tu es Kenny. Ça sert à quoi de combattre si c'est pour une cause futile et débile? C'est quoi ça sert d'être facho car leur raconte que du pipo? Ça sert à quoi d'aimer un pays si leur parti te déteste et te prend pour une bête? Parle de droit de tolérance, mais veulent virer les musulmans, ça n'a pas de sens. Je parle pas que pour la France, mais aussi pour d'autres pays. C'est la même dans certaines frontières qu'un fric. Ça sert à quoi de kiffer si on te trahit en retour? Certains pour ça ne sont même pas à la bourre. Ça sert à quoi, dis-moi? sert tout ça? Faire confiance. Ça ne te donne pas en retour.